Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de golf, on va parler du Master. Tiger Woods a remporté un autre Master. C'est son cinquième, ça s'est déroulé dimanche à Augusta. Et on est quand même choyé d'avoir le thérapeute de Tiger Woods, Marc Cormier, qui est un Québécois. On le rejoint à Ottawa. Bonjour, M. Cormier. Bonjour. Monsieur, quel lien vous avez d'abord avec Tiger Woods? Moi, je traitais Jesper Parnevik, okay. qui avait comme maître l'ex à Tiger Woods, que j'ai été chez eux pendant des années quand on allait au Bay Hill, au tournoi Donald Palmer, qui est mon client avec. Fait que moi, j'ai connu la blonde de Tiger avant que ce soit sa femme. Okay. Ça fait très longtemps que je le connais. Donc, ça fait longtemps que vous connaissez, puis c'est le lien que ça a commencé. Donc, vous avez connu les cinq fois que Tiger, les cinq ans que Tiger et la longue traversée du désert. Parlez-moi de ça un peu, voir. Moi, j'ai les cinq ans. Ouais. Il y a aussi la période de problème de genoux. OK. Qui était avant ça. C'était pied, cheville, genou. Après, ça s'est logé dans le dos. Mmh. Nous autres, on a vécu le pire par commencer avec la chirurgie. Puis, à partir de la chirurgie, développer des traitements de réalignement pour être capable de réaligner le dos et de le faire travailler à différents endroits pour éviter de faire travailler la partie qui blesse dans le dos. Okay. Fait que c'est très dur dans un élan qui est une rotation, qui est toute la colonne qui tourne, mais ça se fait en fonction d'un positionnement de pied. Des étirements, des exercices, vérifier que la tête, la nuque, les épaules, tout est dans un alignement qui est pratiquement parfait. Fait que c'est un gros travail, beaucoup d'expertise, puis c'est souvent un travail d'équipe. Je vais chercher des physios avec des expertises, un niveau 4 comme physio, où je travaille des fois avec un docteur en physiothérapie, justement de Montréal, Maxime Gauthier, okay. Avec des gros clients. Fait que moi, la minute que c'est... quand on a fait le 5 ans, c'est que c'était dur d'être capable de travailler un mouvement de rotation sans douleur. Fait que la pause a été bien, bien importante. Il y avait une rééducation incroyable qu'on faisait, que je fais faire à des clients déjà, même aux États. On leur a fait acheter un jacuzzi, des étirements, des entraînements dans le jacuzzi, dans la chaleur, pour que le corps revienne avec une certaine élasticité. Puis ça a été très long, parce qu'à chaque fois qu'il poussait légèrement son corps, puis ça allait bien, il le repoussait plus fort après, fait qu'il se reblassait. Okay. Les grands athlètes sont même, ils se poussent tout le temps, ils s'écoutent pas. Il y a les gens aussi qui ont la tête dure qui font la même chose. Okay. Dites-moi, comment il était comme patient? Parce que c'était pas facile. Il y a eu également, j'imagine, vous rappelez toutes ces histoires matrimoniaux également, des problèmes personnels, le doute également. Il y avait beaucoup de monde qui pensait que jamais qu'il reviendrait. Comment il était? Moi, c'est le monde qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, qui sont très entêtés. Les grands athlètes ou les grandes personnes qui sont vraiment entêtées puis qui veulent être mieux, là, normalement, c'est les meilleurs clients parce qu'eux autres, ils vont tout faire. Ils vont avoir une discipline qui est incontestable et ça va être tellement qu'ils sont bons, ils vont faire à la lettre, mais plus que qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est les meilleurs clients, mais la personnalité, la personne même, est assez déplaisante. Elle est pas trop, trop plaisante parce que c'est un gars, premièrement, qui est tout seul, il est à la guerre tout seul, il est tout le temps tout seul dans sa vie, puis c'est lui qu'il faut qu'il performe tout seul au bout de la ligne. Fait que c'est toute une vie d'être tout seul, dans le fond, dans sa tête. Fait que quand quelque chose marche pas, lui comprend pas, puis il te lâchera pas jusqu'à temps qu'il comprenne. Puis écoute, ça peut durer longtemps, là. Puis le lendemain, il va se relever à 4h30, 5h du matin, il va t'appeler. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Puis regarde, lui, c'est comme si on avait parlé de l'une heure. Mais c'est le jour d'avant qu'on avait fait ça, en après-midi. Puis c'est de même, c'est de l'intensité qui est incroyable, mais c'est grâce à ça qu'il est revenu. Moi, je savais qu'il reviendrait. Ouais. À quel niveau, j'en étais pas sûr, parce que la force de l'intérêt, les forces ensemble lors de la frappe étaient plus élevées que ce que j'avais calculé. Puis à partir de là, ça donne dans le bas du dos un coup un peu plus gros que je me demandais si j'étais capable d'arrêter le bassin à bonne place pour pas que les vertèbres endommagées soient affectées lors de l'élan. À quelle fréquence vous voyez dans le temps? Est-ce que vous voyez une fois par semaine, une fois par mois? Comment vous l'avez vu de fois pour là-dessus, là, pour travailler avec? Écoute, lui se déplaçait souvent à des endroits que j'étais, parce que vous savez, je m'occupe de la NBA, de la NHL puis de la NFL. Fait que il se déplaçait souvent. C'était facile de dire. Au début, c'est sûr, faut se voir souvent. Mais après, c'était au mois, parce que souvent, il y avait un thérapeute avec lui, que lui, j'y disais quoi faire. On allait sur Messenger, il était là. Fait qu'on pouvait le faire. Tu sais, aujourd'hui, la technologie, comment que c'est fort. Ouais, ouais. Je fais beaucoup de consultations en Europe juste par téléphone. Okay. Puis on règle les cas. Fait que à partir de là, je disais au physio, qu'est-ce que c'est faire? Qu'est-ce que je suggérais pour le réaligner? Le physio choisissait sa thérapie, sa manipulation pour aller libérer les tensions. Fait que c'était un beau travail d'équipe. Puis après, il y avait l'entraîneur qui était là où ce que je suggérais d'arrêter ou continuer quelques exercices. Fait que c'était tout le monde. Puis après, fallait pas, même si je le suggérais, il fallait que tout le monde soit d'accord. C'est pas une personne qui décide. Fait que si tout le monde comprenait qu'est-ce qu'il faisait puis pourquoi, là, les résultats, ils étaient tout le temps bons, parce que c'était un beau travail d'équipe, parce que ramener un gars qui est pas chirurgical du genou et du dos, puis après ramener le masseur, regarde, j'aurais jamais un autre client comme ça. J'ai dit ça aujourd'hui, ça fait pas longtemps, un gars de TSM. Je ne frapperai jamais un autre client de moi. J'ai été chanceux d'avoir un dans ma vie. OK. Si je n'ai un deuxième, je t'appelle tout de suite. Dis-moi, M. Cormier, vous avez, dans le cas de Tiger, vous avez parlé d'équipe. Il y a combien de monde autour de Tiger qui l'ont traité pendant sa réadaptation? Il y en avait, mais il n'y en a pas eu tant que ça. On est, disons, tout et partout, on était 12. Puis on était deux ou trois, vraiment, qui étaient plus pointus. Mais ceux qui étaient très pointus n'avaient pas besoin d'être avec lui, parce que nous autres, c'était des expertises. Nous autres, on disait pourquoi qu'il se blessait au dos, puis qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'enlever. À partir de là, okay, on travaillait avec le physio, le kinésiologue, pour dire, regarde, faut changer ça, ça, ça. Fais-le comme ça, puis mec, t'es ton clair, renvoie-moi là, je vais regarder si moi j'aime ça. Si j'aime ça, je l'envoie à l'entraîneur s'il est d'accord. Si tout le monde est d'accord, on revient. Fait qu'il y en avait, mais au bout de la ligne, il n'y en avait pas tant que ça. OK. Il y a eu des malaises au dos, même durant le Masters. Hein. Il va rester toujours avec une petite faiblesse, je pense. Hein. Le pire au Masters, ça n'a pas été les élans qui l'ont blessé. Okay. Que j'ai pu comprendre. J'ai pu comprendre que c'était plus... que c'était le stress qui augmentait, parce qu'il voyait de plus en plus les possibilités qu'il gagne, qu'il rêvait de gagner un major cette année, mais là, gagner le Masters, c'était le rêve, c'était le meilleur rêve, ouais, qu'il a pu avoir. Ouais. Hier, à TV Sports, vous avez dit qu'il parle de gagner 6 tournois majeurs encore, c'est ça que vous avez dit? Non, pas majeur. 6 okay. tournois qu'il veut gagner. 6 tournois cette année qu'il veut gagner. Il aimerait ça, okay, parce que son but, c'est d'aller... Là, son but, c'est d'aller à conquête Jack Nicklaus, des joueurs qui ont les meilleurs résultats. Comme Jack Nicklaus, genre. C'est ça, il s'en va après le... Mais mon Dieu, j'ai perdu les mots en français. Excusez, je parle en anglais depuis des semaines. Oui, pas de problème. Fait que c'est ça, il essaie de battre tous les records tranquillement. Il a, suite à ses blessures, il a réalisé que si je retourne là, il faut que j'aille battre mes records le plus rapidement possible de tout le monde, au cas qu'il m'arrive de quoi éventuellement. Parce que même en entourage de lui, il y en a qui ont eu des accidents, puis qui ont vu qu'ils sont finis à vie. Puis, tu sais, c'était banal, l'accident, là. Puis lui, il dit, ça peut m'arriver à moi avec. Fait qu'il faut que j'aille chercher tous les records le plus vite possible, juste au cas. OK. Puis, vous y parlez combien de fois par année? Est-ce que vous y parlez encore une fois, deux fois, trois fois par année? Nous autres, on va communiquer à peut-être une dizaine de fois maximum. Par année? Mais il faut que ça soit... C'est lui qui appelle. Moi, j'ai, okay. j'ai pas aucune raison. Si j'appelle son agent. Ah, OK. Je dis, hey, j'ai vu ça. Revenez-moi. Ou j'envoie de quoi au coach? Hey, j'ai vu ça. Il y a quoi qui a changé? Fait, moi, c'est de même que je communique. Parce que si je l'appelle, je lui donne un commentaire. Lui, il va le prendre. Je peux affecter sa game sérieusement. OK, ouais, c'est vrai. C'est délicat. Vous la regardez dans le sens qu'il y a une technique. Il y a une technique qui pourrait ramener ces problèmes de dos. C'est dans ce sens-là que vous... Oui, c'est ça. Les faux moves. Okay. Ça peut aller jusqu'à la chaussure. J'ai réglé, là, c'est niaisé. Donc, Tom Lehman, VJ Singh, je n'avais un paquet. J'aurais juste retourné à des souliers très stables. Je l'ai envoyé dans l'écho. Je l'ai envoyé dans quelques modèles. Hey, on a réglé les problèmes de dos. Souvent, le soulier va régler le problème. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est aussi banal que ça. Tantôt, vous avez parlé que vous aviez quand même plusieurs joueurs de la NBA, plusieurs joueurs de la NFL. C'est qui, vos principaux clients, les plus précieux, c'est qui? Moi, en ce moment, ceux que je suis plus... je travaille un peu plus, je travaille beaucoup avec les Buccaneers, okay. Les Miami Heat. C'est pour ça que je suis installé avec la clinique Kinatex à okay. Delray Beach, en Floride, où on est proche des deux. Puis là, les Panthers, ça a l'air qu'ils vont venir demander nos services. J'ai reçu un petit email de ça la semaine passée. Fait que moi, je suis bien content, je suis bien entouré, j'aime bien les équipes, puis j'ai pas trop de distance à faire. Ben oui. Ben, Marc Cormier, félicitations. Pas mal intéressant. C'est une entrevue fort différente d'avoir côtoyé Tiger Woods. C'est pas rien non plus. Donc, et au plaisir de se reparler peut-être un autre tantôt. C'est ça. Puis si jamais vous avez une grosse événement de gueule dans votre coin, vous m'appellerez. Si je suis disponible, ça me fait plaisir d'aller dans votre beau coin de pays. Ben oui. J'ai passé beaucoup de temps que j'ai bien aimé. Il y a un gros week-end de golf à Saint-Prime, là, sur le lac Saint-Jean bientôt. Donc, ça vaudrait peut-être la peine que vous vouliez faire un tour. Envoyez-moi une invitation, ça va me faire plaisir. OK, Marc Cormier, le thérapeute de Tiger Woods.